fait comme le pape, indépendant jusqu'au couille négro. Faut pas que je dérape, épaulé par le ménage à trois. J'irai jusqu'au bout, crois-moi, et tu vas te mordre les doigts. Malgré l'industrie sature, ma voix elle est cotée comme la haute couture qui dura de génération. J'ai posé sur plein de mixtapes sans suite. Beaucoup ont déclaré forfait depuis 98, négro. Je raconte mon vécu, sèche les larmes, prends du PQ. Quand je parle, tu crois que c'est le bitume. Encore un gros beat pour les salopes. J'essaie de développer l'hip-hop français. Et moi, stop, j'ai le sourcil français. Les rappeurs parlent trop. Blindés, tu les crois dans le métro, négro, c'est tous des mythos. Un bon ouvrier n'est jamais chèrement payé. Chaque chose a son prix et retiens le bien, moi, dans fuck. Est-ce qu'il parle le rap et d'aide? Je reviens, t'es ta mère. Jamais. Est-ce qu'il parle le rap et d'aide? Monte-toi dans la ch*** ta sœur. Jamais. Est-ce qu'il parle le rap et d'aide? Je reviens, t'es ta mère. Jamais. Est-ce qu'il parle le rap et d'aide? Monte-toi dans la ch*** ta sœur. Est-ce qu'il parle le rap et d'aide? Y'a plus d'oseille, faut qu'on retourne au bled. La vérité m'a mis un schlass dans le beat. On va être blindé comme tragédie. Avoir des gros sous tous les jeudis. Essayer changer nos vies. L'instinct crapule, de mon destin je manipule. Je pète toutes les portes, faut surtout pas que je recule. Le rap mon seul moyen de m'exprimer. Si tu me l'enlèves, je vais te baiser. Et ça je peux te l'assurer. Après les scènes, mon disque, mon style t'emmène à la scène. Et pour ça j'ai pris trop de risques. Encore un enfoiré qui revient dire ce que vous voulez pas entendre. Vous pouvez pas m'atteindre, ni m'éteindre. Négro, ouais. J'suis l'incendie qui ne s'éteint jamais. J'suis le diable du ghetto qui revient porter la paix, ouais. Tout ce que vous direz contre moi sera retenu contre vous. C'est vrai que j'ai pas le choix de dormir debout. Poison Mike de retour comme Sarkozy. J'mets mon temps dans le cul de ta cousine. Me branler dans les jacuzzi. Est-ce qu'il parle le rap et d'aide? Jamais. Reviens, t'es ta mère. Jamais. Est-ce qu'il parle le rap et d'aide? Monte-toi dans la ch*** ta sœur. Est-ce qu'il paraît le rap et d'aide? Je reviens niquer ta mère. Jamais. Est-ce qu'il paraît le rap et d'aide? Monte-toi dans la ch*** ta sœur. Jamais. Ils ont cru qu'ils allaient tuer notre rap. Heureusement qu'il reste encore les radios, les magazines, tout ce que tu veux, hein. Jamais. Ouais poto, ouais, le rap n'est pas mort, il passe juste à l'heure où les gens dorment, comme l'a dit Rorty.